éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, j'aimerais revenir sur une figure féminine dont on croit tout savoir, mais que l'on connaît souvent à travers une image faussée, Cléopâtre. On entend son nom partout, on la voit dans les films, dans les livres. On retient surtout d'elle l'image d'une reine séduisante, mais désespérée, qu'on imagine se donnant la mort avec le venin d'un serpent. Pourtant, quand on regarde de plus près, on découvre une femme bien différente de celle que la tradition a retenue. Une grande partie de ce que nous savons de Cléopâtre vient d'auteurs romains, qui, pour beaucoup, la voyaient comme une ennemie. Ils ont donc insisté sur certains aspects de sa vie, notamment sur le fait qu'elle usait de son charme pour gouverner, ou sur l'idée qu'elle manipulait les hommes, en laissant de côté ce qui faisait d'elle une dirigeante à part entière. En fait, son histoire a été racontée plus comme un récit dramatique que comme une réalité politique. Cléopâtre arrive au pouvoir très jeune, dans une période tendue. Sa famille est divisée, l'Égypte est fragilisée, et Rome commence à prendre de plus en plus de place dans la région. Elle doit affronter tout cela dès le début de son règne. Et ce qu'elle fait, c'est gouverner. Elle agit, elle décide, elle s'impose dans un contexte très complexe. Elle se démarque notamment par sa culture. Elle parlait plusieurs langues, connaissait les sciences de l'époque, s'intéressait à la philosophie. Elle est même la seule de sa dynastie à apprendre réellement l'égyptien, ce qui montre qu'elle voulait se rapprocher de son peuple et comprendre réellement son rôle. Ses relations avec César, puis avec Marc-Antoine, sont souvent racontées comme des histoires d'amour tragiques. Mais replacées dans leur contexte, ce sont surtout des choix stratégiques. L'Égypte devait survivre face à Rome, et Cléopâtre devait trouver les partenaires capables de protéger son royaume. Quand on regarde sa vie dans sa globalité, on voit une femme qui a résisté, qui a pris des risques et qui a essayé de maintenir l'indépendance de son pays dans une période très instable. Son histoire est bien plus large que l'image dramatique que l'on retient souvent. Cléopâtre, ce n'est pas seulement un serpent et une légende. C'est une souveraine qui a lutté jusqu'au bout pour son royaume et dont l'histoire mérite d'être racontée autrement.